J'ai souvent peur des tristes ambiances, de ton éteint, tes expériences du moment où il faudra se rappeler. Je veux notre histoire en permanence. Je veux glisser seul dans tes errances, autour des gens qui boivent, qui dansent. Je veux que tu me rassures les soirs d'été, qu'on jure que c'est à nous qu'on pense. Je veux pas tomber dans tes oublis. Laisse-moi errer dans tes nuits. Seul dans tes mauvais rêves, combattre tes ombres comme des mauvaises herbes. Attendre un peu, recoudre le temps, couper les haies de nos sentiments. Je veux glisser seul dans tes mauvais rêves, combattre tes ombres comme des mauvaises herbes. Attendre un peu, recoudre le temps, couper les haies de nos sentiments. Je veux pas tomber dans tes oublis. Laisse-moi errer dans tes nuits. Je veux pas. Laisse-moi errer dans tes nuits. Moi je veux errer dans tes nuits. Laisse-moi errer dans tes nuits. Laisse-moi errer.